Trépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Alors, t'es fraîchement rentrée d'un week-end à Zurich. Oui, je viens de rentrer cet après-midi de Zurich où j'ai été au Porny Days, qui est un festival de films qui n'est pas vraiment sur les films porno, ce que j'ai cru en fait au début vu le nom, mais qui traite plus de sexualité, de genre, de diversité, des désirs. Et en fait, je voulais un peu parler de ça parce que quand on m'a proposé d'y aller, j'ai pas forcément hésité, mais quand même j'avais un peu des appréhensions parce qu'en fait moi je regarde pas de porno. Et les peu de fois où je suis tombée sur du porno, j'ai trouvé que c'était une expérience désagréable. Et bon, je pense aussi surtout parce que j'ai vu du porno mainstream, les peu de fois où j'ai vu, où il y avait des mises en scène très machistes, très phallocentriques, où je retrouvais pas du tout un désir qui serait le mien. Et puis je trouve aussi qu'il y a en fait dans cette exposition des chairs, des plans proches, aussi sur les parties génitales, tout ça, et je trouve qu'il y a quelque chose qui finit par être du côté du morbide. Et aussi, après, moi, je suis quelqu'un qui est jamais très tranquille. J'arrive jamais vraiment à être dans le moment et l'esprit complètement vide. Et du coup, je vais toujours aussi réfléchir à comment est-ce que tout cela a été mis en scène, qu'est-ce que les gens sont en train de penser au moment où ils le font, à qui le producteur ou celui ou celle qui filme, à qui dirige il ou elle ça. Enfin, bref. Du coup, les questions, en fait, vont juste fusée et il n'y a pas ce truc d'un peu de relâcher pour avoir un désir qui naît. C'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait ce que tu exprimes là, c'est ces questions qui te traversent la tête, c'est ce qu'on essaye de transmettre aux jeunes, où c'est comme ça un grand, visiblement ça a été très problématisé la consommation du porno par les jeunes, et on les incite à se poser ce genre de questions pour justement déconstruire, c'est-à-dire de situer ces scènes-là et pas les prendre comme un modèle absolu de sexualité. Mais d'ailleurs, je veux dire, la critique du porno et surtout du porno mainstream a été élaborée depuis quand même maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Et je sais aussi qu'au sein des féminismes, il y a un débat qui, je pense, est encore en cours aujourd'hui et qui est vraiment pas si récent. Où d'un côté, enfin, il y a un côté abolitionniste où des féministes ne sont pas d'accord avec la pratique du porno et avec l'industrie du porno, et d'un autre côté pro-sexe, enfin qu'on pourrait qualifier de pro-sexe, et où à la fois on va défendre une industrie du porno, mais surtout défendre et essayer de produire des films porno qui soient plus, disons, plus respectueux, plus diversifiés, et aussi, est-ce qu'on peut dire plus inclusive? C'est l'idée aussi de décloisonner comme ça le porno et d'interroger les normes qui sont en cours dans le porno. Oui, puis de ne pas séparer sexualité et conditions sociales de femmes, mais au contraire, prendre à bras le corps, c'est le cas de dire ce sujet, pour se déphallocentrer justement et proposer un point de vue autant de la part de la caméra que des pratiques qui correspondent plus aussi aux différentes formes de sexualité, notamment féminine, au pluriel. Ouais. Et vu que j'avais pas une sorte de base théorique vraiment sur le porno, et ben en fait c'était assez bien parce que pendant le festival j'avais une approche assez relaxe par rapport à ce qui se passait, où c'était juste un peu suck it in joyfully et réfléchis pas trop sur ce qui se passe, parce que vu que il y a aussi ce truc où je me dis il y a des gens qui sont là et qui sont vont être plus expérimentés et plus experts ou expertes dans la matière, je peux lâcher un peu prise. Donc ça c'était assez chouette, et aussi je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très joyeux en fait dans ces films. Vraiment une approche de la sexualité, du désir, des questionnements comme ça. Ouais, vraiment, vraiment chouette. J'ai tout d'un coup eu ce plaisir de collecter des informations. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout d'un coup, de créer un cadre de référence pour quelque chose que je ne connaissais pas du tout ou quelque chose que je n'ai pas encore approché. Du coup, ça, c'était du coup, un sort de... Ça, c'était mon plaisir intellectuel. Comme ça. Je sais pas si c'était le but du festival. Bah, tu vois, je me demandais, tu penses que les films qui ont été présentés là pourraient être diffusés, par exemple, au Splendid, qui est un vieux cinéma porno de Genève? Non, je pense. Je trouve qu'il y a quand même... Il y avait beaucoup de films assez intellectuels ou aussi très drôles. Tu vois, ça, c'était aussi génial parce qu'il y avait des animations queer. Et je me suis rendu compte à quel point l'animation, c'est vraiment génial pour parler d'une posture queer parce que ça permet en fait d'aller au-delà du corps, de représenter des corps qui n'existent que dans l'imagination. Et vraiment aussi, je trouve l'animation, souvent, il y a une fluidité comme ça qui fonctionne bien pour parler du queer. Peut-être pour terminer, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé aussi super avec ce festival, c'est que ça montrait aussi beaucoup de gens en fait en action qui ne trouvent pas leur satisfaction ou la représentation de leur sexualité, que ce soit sur Internet, dans les films, dans les représentations, quelles qu'elles soient, et qui en fait du coup vont faire le pas pour eux-mêmes se mettre soit devant, soit derrière la caméra et produire des représentations qui leur conviennent et aussi comment en fait ces gens vont avoir beaucoup de réponses positives aussi par rapport à ça. Et aussi de voir vraiment qu'il y a des festivals aussi qui s'organisent pour montrer ce genre de travail aussi, c'est hyper intéressant. Mais ouais, en tout cas, très bonne expérience, très bon week-end. Très bon week-end. Toi et moi, on a été voir un spectacle au Forum Meyrin jeudi passé qui s'appelle Depuis l'aube, ode au clitoris. De Pauline Riba. Ouais, et qui était montré dans le cadre de la Biennale du genre. À Genève. À Genève. Et en fait, moi, j'avais envie de discuter avec toi de ce qu'on a ressenti pendant et après ce spectacle, parce que c'était très fort. Et on ne voulait pas maintenant utiliser le terme de frustration, mais quelque part, il y a de la frustration, je pense aussi de la colère, de la déception. Moi, j'ai ressenti beaucoup de déception par rapport à ce spectacle. Comme si c'était de l'acide un peu qui me mangeait de l'intérieur. Alors, ce spectacle, juste en deux mots pour que celles et ceux qui ne l'ont pas vu puissent nous suivre, sur le thème du harcèlement. Hein, qu'il soit de rue, qu'il soit donc sexuel, mais au niveau du viol, conjugal ou pas, dans une mise en scène qui visait à relayer des témoignages que cette metteuse en scène a récoltés. Et puis, en fait, ma colère, à moi, elle est venue du fait que je n'ai pas senti, certes, évidemment, c'était une dénonciation de tous ces faits, évidemment, mais je n'ai pas eu cette dimension pédagogique que j'attends de tels spectacles, en fait. Pédagogique dans le sens de proposer une réflexion qui est peut-être un peu moins épidermique, qui est peut-être moins dans l'émotionnel, et qui va vers quelque chose de, pour outiller, pour équiper, pour nourrir une réflexion sur ces questions. Ouais, nourrir une réflexion, nourrir aussi une mobilisation, parce que là, je trouve que... Bon, moi, je ne peux pas parler. C'est ça aussi que je trouve qu'il y a une difficulté. Par exemple, nous, on a fait études genre. On a aussi développé pas mal d'outils pour réfléchir à ça, pour faire les déconstructions, les analyses. Et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Du coup, je pense aussi qu'il y a des spectateurs et des spectatrices qui vont voir ce spectacle et qui vont être très satisfaits de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'elles ont vu. Mais du coup, aussi d'où la difficulté, en fait, de parler... à plusieurs niveaux d'un spectacle comme celui-là. Mais très basiquement, je pense qu'il y avait une démonstration d'une posture de femme absolument victime, avec aucun échappatoire, parce que là, dans la présentation de ce spectacle, il est écrit que la metteuse en scène a convié tout un cortège de femmes, les insulter, les violer, les exciser, mais aussi les Amazones, les victorieuses, les guerrières. Alors, l'intention est remarquable, mais je n'ai vu aucune Amazone, aucune victorieuse et aucune guerrière. Au contraire, même des petits espaces qui pouvaient tout d'un coup déboucher sur une posture comme ça étaient finalement sanctionnés, justement, soit par des insultes, soit par des viols. Donc ça, je pense qu'au-delà de notre niveau d'expertise, c'est quelque chose qui, en soi, est dommageable. Moi, je trouve aussi terriblement fatigant, au bout d'un moment, c'est que... Alors, on va parler harcèlement sexuel, alors on va parler victime. De faire forcément ce lien tout le temps. Alors, c'est quoi le but, en fait, de ça? Où est-ce qu'on veut mener les gens? Est-ce qu'on veut juste ouvrir une petite brèche pour pouvoir avoir une discussion, mais qui va toujours rester dans ce « oh, les pauvres, oh, les pauvres » ou est-ce qu'on peut proposer, comme tu dis, des outils, ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand? Et là, on parle aussi empowerment. Oui, puis presque à un niveau politique, parce que ça, c'est une conséquence de toute une organisation qui amène à finalement traiter les femmes ou à établir des rapports hommes-femmes de la sorte. Et ce qui était intéressant dans ce que tu dis avant aussi, c'est le rebondi que ça a eu dans le... Il y avait un moment de discussion, en fait, après le spectacle. Et puis, heureusement, d'ailleurs, parce heureusement. Que sinon, j'aurais explosé. Ouais. Et puis là, des générations différentes étaient présentes. Il y avait des classes de collégiennes, collégiens. Et puis, une des premières personnes qui a pris la parole était une femme d'un certain âge qui était vraiment en état de choc en disant « Mais j'ai jamais connu ça, de mon temps, ça n'existait pas. Est-ce que vraiment, c'est comme ça pour vous ?» Donc, au-delà de la discussion qui aurait pu la faire réfléchir à si vraiment ces phénomènes-là n'existaient pas de son temps... Il y a eu une réaction des jeunes qui ont en fait témoigné de manière très touchante, très intime même, de ce qu'ils et elles vivaient au quotidien. Et puis là, alors on pourrait se dire, alors ce spectacle fait du sens pour ces personnes qui ne sont déconnectées de cette réalité-là parce que c'est justement une prise de conscience. Mais en même temps, probablement que c'est plus la jeune femme qui a témoigné sur son viol qui est concernée que la personne du troisième âge. Donc finalement, il faudrait, s'il y a une visée pédagogique qui est quand même revendiquée dans ce programme, dans ce spectacle, il faudrait plutôt chercher à accompagner ces jeunes qui savent bien que ça existe pour des stratégies de survie et d'évitement, etc. Mais après, je trouve aussi intéressant... Enfin, ce truc quand même positif du spectacle, c'était que ça permet d'ouvrir un espace de discussion et aussi un espace de prise de parole, notamment pour les jeunes, où c'est important. Et après, je trouve quand même intéressant, juste de réfléchir par rapport à ce que tu dis, qu'il y avait une personne âgée qui a parlé et ensuite les jeunes, où on peut aussi se dire, peut-être cette personne plus âgée... Est-ce que lorsqu'elle était jeune, il n'y avait pas ce genre d'espace de discussion du tout? Parce que dire si ce n'est pas du tout médiatisé, quelque part, ça, entre guillemets, n'existe pas. Après, je pense que c'est aussi ce qui est à la fois bien avec ce genre de spectacle et en même temps pas du tout bien. C'est que quelque part, ça permet de définir l'harcèlement sexuel. Je pense que ça, c'est très important de pouvoir mettre un mot sur ce genre d'expérience. Parce que ça peut être aussi, quelque part, il peut y avoir harcèlement sexuel, mais ensuite de l'environnement, on va normaliser ça, on va rendre coupable la personne qui s'est fait harceler, enfin, bref, on connaît ce genre d'histoire. Du coup, il y a quand même une utilité, c'est ce que je disais avant, de nommer, mais il y a aussi un besoin d'aller au-delà de la simple définition. Et de créer, voilà, en plus d'un espace de discussion, des outils de mobilisation. Et on a aussi parlé de ça, et c'est ce qu'on aimerait, je pense qu'on aimerait dire ici, c'est qu'il ne suffit pas, en fait, qu'il y ait genre ou féminisme dans le descriptif d'un spectacle pour que ce soit féministe. Ou pour que toutes les normes soient interrogées. Et je pense que c'est important de rester alerte, de rester aussi critique. On a déjà parlé aussi de ça, toi et moi, ensemble, en dehors du pod. Il y a quand même un phénomène de mode aujourd'hui, à la fois du féminisme, du genre, posture queer aussi, dans la culture. Je sais pas qu'est-ce que t'as... C'est peut-être une étape. C'est peut-être effectivement une étape où ces questions se sont plus présentes dans les productions culturelles. Et puis, avec un idéal pour ma part, je crois que celui-là, il est partagé aussi, c'est qu'il y ait une multiplication de spectacles où on puisse quelque part dédramatiser, puisse dire c'était pas top, mais c'est pas grave, celui que je vais voir ou celui que j'ai vu la veille, il était vraiment super bien. Bah oui, et puis c'est que ça. Ça crée un équilibre, en fait. Oui, parce que moi je pense que j'ai déjà un problème genre personnel avec la déception où je peux être ultra déçue parce que j'ai des attentes et si ça correspond pas à ce que j'attends, je suis... comme je dis, ça me brûle de l'intérieur. Mais du coup, ces attentes en plus, un peu, disons, idéologiques presque, mm-hmm. Ou avec ce soif de changement, hein, tu vois, c'est vraiment terrible. Puis bon, après, on avait aussi discuté de ça, mais aussi cette idée de complaisance aussi. Moi, j'ai beaucoup de peine de ne pas entendre plus de voix critiques. Parce que quand même, on ne parle pas du féminisme, on parle des féminismes. Et je trouve, voilà, et la posture queer et la posture féministe, ça se construit aussi dans l'opposition. Donc... ne pas hésiter à s'opposer juste parce qu'il y a très peu et puis qu'on doit dire « Oh merci, merci qu'il y ait un spectacle enfin qui parle de ça, alors parce que c'est féministe, alors ça veut dire que c'est génial. » Et c'est pas parce que, et je trouve aussi, parce que déjà quand on est féministe, il y a déjà cette ombre un peu qui peut planer sur sa posture et où on va toujours être celle qui critique, celle qui est pas contente, celle qui est grincheuse, comme tu disais. C'est pas être critique et dire que tout est mauvais, mais c'est juste avoir soif d'une discussion. Et quelque part, je veux dire aussi, les normes, elles bougent à travers les discussions publiques. Mais on a vu que c'est délicat parce que ni toi ni moi, pendant ce temps de discussion, on a pris le micro pour exprimer ça. Ouais. Donc il y a eu diverses raisons. D'une part, c'est vrai que ces jeunes ont pris cette place et que c'était tellement beau qu'il l'est, donc peut-être pas non plus envie de casser ce moment. C'est aussi délicat de s'adresser à ce moment-là, en direct, face à face aux comédiennes et comédiens qui viennent de sortir de leur représentation. Mmh. Elles sont en pleine tournée. Alors il y a un peu un sentiment de se dire « Ah ben flûte, c'est trop tard. » De nouveau, j'aurais voulu pouvoir parler de ça dans le temps de la création. Parce que je pense qu'avec des petites choses, c'est faisable, c'est théâtralement tout à fait réalisable. Mmh. Des contrepoints, une autre voie qui amène quelque chose de plus constructif, c'est tout à fait... réaliste. Mm-hmm. Alors à nous, maintenant, un espace pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme action. Alors, on a relevé l'importance qui a été avérée de ce moment de discussion après. Il pourrait même y avoir un moment de discussion avant, en aussi. Fait, mm-hmm. de présenter un peu, de dire que c'est un point de vue qui revendique vraiment la dimension de témoignage et qui doit être prise comme telle. Mm-hmm. Et puis, dans cette discussion qui peut suivre, ça pourrait être intéressant de construire alors la présence des intervenantes qui était très pertinente avec Colette Free, la directrice du Bureau de l'égalité du canton de Genève, et Caroline Deyer, spécialiste sur ces questions. Et par exemple aussi d'amener, il y a une pratique d'autodéfense féminine qui s'appelle le femdochi, qui pourrait être là. Et puis, alors, c'est sûr qu'elle ne peut pas en 2 minutes faire l'ensemble des formations qu'elle propose, mais d'amener quelques points, quelques éléments, quelques stratégies, quelques outils, justement. Ouais. Oui, et puis je trouve même, c'est même intéressant de savoir que cette pratique existe. Voilà, voilà. Et effectivement, rien que dans le fait de la nommer, de montrer qu'il y a des manières de s'équiper, c'est fondamental. Mm-hmm. Bon, on passe au prochain. Pour prouver qu'on n'est pas que grincheuse, on va aussi parler d'un autre événement féministe. Je ne sais pas si eux, ils se définissaient comme féministes, mais moi, je le définis comme tel. Vas-y. Auquel on a participé, c'était vendredi, il y a une semaine et demie. Le 22. À la Manufacture. La Haute École des Arts de la Scène de Lausanne. Yes. Et c'était donc une performance qui durait plus ou moins 4 heures. Mm-hmm. qui s'intitulait Dérive et qui était organisée par, mis en place par... Alors en fait, cette école, elle a un pôle de recherche sur le théâtre qui peut être autant des réflexions issues des sciences humaines, des sciences et des technologies et aussi des réflexions sur l'art par l'art lui-même dans des recherches-créations. Et ça, c'est un dispositif qui fait partie des scènes de la recherche. Donc, quatre comédiennes et comédiens ont proposé des modules, des capsules, je crois qu'ils les appellent comme ça, de réflexion sur le thème de la domination masculine. Donc, au mois de juin dernier, il y a eu un mois, toute une série d'événements de recherche sur cette question, publique ou pas. Et puis là, au mois de novembre, de nouveau, un temps de réflexion et de travail pour ces comédiennes et comédiens, avec deux moments publics, les dérives du vendredi 22 et ensuite une nuit de la performance intitulée Sans queue ni tête. Et ça, c'était avant-hier. Enfin, on enregistre c'est lundi, mais c'était ce samedi. Donc. Voilà. Mais du coup, j'ai juste une question. C'est vraiment que ces quatre personnes, quatre comédiens et comédiennes, c'est une sorte de workshop en cours, c'est ça Exactement. C'est eux, les chercheuses et les chercheurs, alors, qui sont entourés à différents moments de rencontres avec des personnes expertes, etc. Mais c'est elles et ils qui ont constitué ce temps de recherche et qui l'ont traversé. Quoi. Ouais. Donc Dérive, c'était dans ces 4 heures, l'idée c'était d'amener, de nourrir ce moment à la fois par des extraits de textes de référence ou des témoignages, enfin des apports audio, dans un dispositif qui était vraiment très chouette. Hein, ouais, c'était génial. Avec à la fois donc une grande salle, des coussins, des poufs, des livres qui étaient mis à disposition. Oui, et vraiment en fait pas... C'était pas juste un livre par-ci, par-là, c'était vraiment un tas de livres éparpillés. Et puis aussi, je sais pas, mais moi, il y a quelque chose avec la lumière qu'il y avait dans cette salle qui m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait des grandes baies vitrées, où on voyait en fait, donc il faisait nuit dehors, mais on voyait un peu les lumières de la ville, puis c'était assez... c'était pas tamisé, mais c'était quand même... à l'intérieur, il y avait quelque chose de très... Cosy, voilà, j'allais dire doux, mais je voulais pas dire doux. Ouais, cosy. Ouais. Et puis l'idée, c'est que Et puis il y avait du thé, du café, voilà. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose de très, très tranquille, comme ça. Moi, ça m'a fait tellement du bien. Bah, c'était un peu cette incarnation de ce qu'on appelle les safe space, hein, des lieux bienveillants, où c'était aussi bienveillant de permettre qu'on puisse se lever, aller chercher quelque chose à manger, à boire, ressortir, revenir. Et... l'idée était de constituer une sorte de réflexion collective, donc il y a eu aussi des interventions de la part des personnes qui étaient présentes, et voilà, de dériver sur ces questions de construction de la domination masculine. Alors ça, c'était une très bonne expérience, on est ressorti de là en disant « Waouh, si on pouvait commencer tous nos week-ends ouais, !» Oui, non, c'était trop bien. Puis ouais, parce que, du coup, je sais pas si tu l'as dit, mais ce qu'il y avait du coup, c'est qu'il y avait ces quatre personnes qui... se baladaient dans la salle, qui parfois parlaient de leur expérience personnelle, parfois qui tout d'un coup amenaient un sujet autour duquel ils avaient peut-être lu ou discuté auparavant, et puis qui en parlaient à ce moment-là. Et, ou sinon juste prenaient un bouquin ou un bout de texte, faisaient une lecture ou allaient mettre une chanson parce qu'il y avait un petit sound system. Mm-hmm. Et puis en fait, le public... pouvait et aller et venir pendant ces 4 heures comme on voulait, c'était entrée libre, et aussi participer au débat. Ça, c'était vraiment c'était génial. Et puis il y avait justement, quand tout d'un coup la tension redescendait comme ça, c'était pas forcément évité, mais enfin il y avait un dispositif où les comédiennes et comédiens allaient tirer au sort une lettre. Oui, ils avaient deux petits sacs. Voilà. Dans un sac des lettres, tirées au hasard, et dans l'autre sac, un temps. Bon, alors j'ai 3 minutes sur le thé, et je choisis le thé comme tradition, et non trans, parce qu'on a déjà parlé de... une minute sur trans, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure avec Paul B. Preciado et on en a parlé pendant longtemps, et du coup, voilà, tradition. Alors, comme ça, je vais questionner... comme ça, je vais questionner avec tradition la question de innée, acquis, innée construction. Et revenir à cette question qui est apparemment la chose sur quoi on bute souvent, qui est la question des organes génitaux, en fait. Hein, souvent, quand on parle de la construction et tout ça, construction du genre, à chaque fois, on est ramené à « Ah oui, mais quand même, il y a cette différence des sexes, et puis, ben voilà, il y a des femmes, il y a des hommes. » Bon, alors, outre plein de nuances qu'on pourrait faire, il y a une chose que Delphi dit et qui, moi, m'intéresse, c'est qu'elle dit « Bah ouais, il y a cette différence-là, mais et sur laquelle on a basé toute la société, les rôles sociaux. » Mais ce qui est incroyable et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'entre un individu et un autre, il y a énormément de différences. Et donc, en fait, on pourrait très bien faire une société où il y a la catégorie des gens qui ont les yeux bleus et la catégorie des gens qui ont les yeux bruns. Et voilà. Et du coup, pour elle, en fait, tout d'un coup, on a choisi cette division-là. En fait, d'abord, on a fait une hiérarchie et ensuite, pour pouvoir mieux voir ceux qu'on allait dominer, on a pris cette distinction. Donc il y a d'abord la hiérarchie et ensuite la division en fait, et qui permet une visibilité finalement de l'esclave. Et puis bon, voilà, il se trouve que du coup après, on n'a pas arrêté de nourrir la différence. Et voilà, et puis qu'en plus certainement c'était plus simple parce qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose de... Enfin, la binarité, là, elle était ici. Enfin, elle était... Enfin, il y avait une binarité, alors que peut-être avec d'autres différences, bon, bah, c'est plus abyssal ou multiple. Donc, et voilà, et la tradition n'a fait que surenchérir ce choix de la différence, de cette différence. Donc, ce que vous avez écouté, c'est justement Lara qui a sorti le thé, comme qu'elle a décidé d'associer à tradition, et elle avait 3 minutes pour le faire. Donc déjà aussi le nom des intervenantes et intervenants, enfin des comédiennes et comédiens, Pierra Bellato, Mathias Brossard, Lara Katabi et Jonas Lamblet. Et moi je suis donc retournée samedi, par intérêt, puis aussi parce que je faisais deux petits temps de performance sur l'histoire de la connaissance ou méconnaissance du clitoris. Et puis j'ai été mais enthousiasmée par cette nuit qui a duré de 18h à passer minuit. Avec toutes sortes de performances. Il y avait notamment la salle où on s'était rencontrés pour dériver, qui était constituée comme une sorte de vagin, bon, dans l'obscurité, mais on entrait par un vagin qui en fait était denté, c'était le vagina dentata, ce grand mythe qui fait tellement peur. Il y avait aussi une comédienne, donc Pierra, qui reprenait un discours que Michelle Obama a fait avant les élections américaines. Et elle était géniale, quoi, avec dans une posture comme ça, très leader à la sauce américaine. Elle a fait en anglais ou en... À fond. Ah, ok. Et puis, alors pour parler des dispositifs théâtraux où on peut mettre un contrepoint à ce qui est dit par ailleurs, il y avait donc elle qui faisait son speech comme ça, très... Et à côté, un PowerPoint avec des phrases qu'elle avait écrites qui faisaient une sorte de commentaire... ou qui adhéraient à ce que Obama était en train de dire, ou qui le critiquaient, ou qui le mettaient en contexte. Donc tout de suite, paf, ça met en place un décor, un système théâtral qui permet de rester un petit peu... Enfin, à la fois d'adhérer, parce qu'elle avait un jeu qui était très prenant, mais à la fois, avec ces phrases, de rester un peu... tu vois, c'est affiché que c'est un spectacle, mais en même temps, qui pose des questions. Il y avait aussi un autre dispositif présenté par Lara qui était montré que à 4 personnes et Lara faisait une ronde comme ça autour de ces 4 personnes sur un montage audio qu'elle a construit avec le thème de la socialisation féminine, de l'assagissement, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place pour que les petites filles soient sages. Donc il y avait à la fois des énoncés dans ce sens-là, extraits par exemple de la Comtesse de Ségur pour Les Malheurs de Sophie, et puis à la fois des apports audio qui s'émancipaient de ces assignations, et avec une dimension très, qui touchait de manière assez forte émotionnellement. On est un peu dans le noir comme ça, avec cette jeune femme qui virevolte autour de nous. Il y avait aussi quelque chose de très chouette pour illustrer les différents niveaux auxquels on était conviés de réfléchir. C'était l'opération Cacatoès. C'était Pierra qui nous prenait une par un dans une petite salle et qui nous proposait, dans un dispositif un peu new age comme ça, avec de l'encens, une petite lumière, de nous coucher si on était d'accord, et d'explorer en fait d'autres, de fermer les yeux et d'explorer d'autres sensations. C'était une inspiration du manifeste contrasexuel de Paul B. Preciado, on mettra ça en référence, qui vise en fait à transformer les sexualités, pour rebondir aussi avec les Porny Days, et en fermant les yeux, elle faisait par exemple, tout d'un coup elle mettait de l'huile tiède sur la main, ou tout d'un coup j'ai appris après que c'était une courgette froide sur la joue. Ah, c'est drôle. À un moment donné, elle a appuyé sa tête comme ça sur mon bas-ventre, sur le côté, puis c'est vrai que tout d'un coup ça allume, non pas un désir sexuel immédiat, mais des champs d'exploration beaucoup plus vastes que les zones qui ont été assignées comme devant être érogènes. Il y a eu aussi un moment, une mise en scène comme une émission radio, qui aurait été une émission radio de la féministe matérialiste Christine Delphi, qui invitait Thierry Hoquet, qui est spécialisé dans les questions de biologie, des questions cyborg, etc. Françoise Héritier, une anthropologue qui est aussi une personne référence dans cette approche, et Sam Boursier, penseur activiste queer. Et alors, tous les comédiennes et comédiens jouaient ce rôle-là de ces personnes en train de discuter, notamment autour de la question sexe et genre. Et puis là aussi, c'était un dispositif théâtral très intelligent, parce que le fait de voir ces pensées jouer corporellement. Il y avait notamment Pierra qui avait toute une gestuelle de personne âgée dans cette Françoise Héritier qui était vraiment très drôle. Sa place aussi, parce que vraiment, alors, ils avaient toutes et tous une connaissance vraiment pointue de ces théories-là, mais ces théories-là, dans le public, pouvaient aussi passer par le corps, étaient entendues par un autre endroit, et puis avec toujours cette préoccupation que les personnes présentes puissent intervenir. Donc voilà, enfin, je vais pas toutes les faire, toutes sortes de déambulations, parce que ça occupait tout un étage de l'école de la manufacture, et on pouvait aller rentrer dans une performance, ressortir, les visiter, qui était vraiment très très complète. Et ça permet aussi de réfléchir à la démarche que ces comédiennes et comédiens ont suivie dans ce cadre de scène de la recherche, qui en fait se pose la question de quelles sont les formes scéniques qui peuvent permettre l'élaboration d'une pensée collective. Et ça, c'est quelque chose qui est à creuser. Donc, c'est sur leur site, c'est des phrases que j'ai reprises. Donc, de réinventer notre rapport au savoir, de rendre compte d'un cheminement, de se nourrir également d'une confrontation au public, et avec cette question précise, de chercher à ce qui fonde la séparation entre les femmes et les hommes et le rapport inégalitaire entre les sexes. Et avant cette élaboration collective entre les comédiennes et comédiens, il y avait vraiment cette exigence d'une appropriation individuelle par chacune et chacun des membres de l'équipe, des corps de texte qui ont été mobilisés par la suite. Et j'aime bien cette idée d'une étape préalable à la pensée collective qui part d'une démarche par soi, pour soi, et après de fondre ça dans un travail plus communautaire. Et donc ce résultat, il a vraiment été tellement complet, à la fois théorique, parce que vraiment, je répète, c'était pointu, les références qu'il et elle mobilisaient, la manière dont ils et elles se sont emparés de ces questions. En tant que spécialiste, vraiment, j'ai pas eu de critique à formuler. Et puis, donc ces dispositifs théâtraux qui permettent à la fois ce point critique, comme je l'ai raconté avec ce discours sur le discours d'Obama, cette introspection avec ces dimensions d'exploration sur le corps, et puis aussi dans cette posture constructive qu'on nommait par rapport au spectacle depuis l'aube, il y a eu Jonas, un des comédiens, qui en fait était dans une salle de bain, face à un miroir, en train de se maquiller, se préparer à sortir, et il figurait un personnage féminin, donc il se maquillait dans ce but, et qui a pris un témoignage, en fait, issu d'une émission radio de France Culture sur le viol de cette émission Les Grandes Traversées, mm-hmm. sur une jeune femme qui témoigne effectivement d'un viol qu'elle a subi, et qu'il raconte de manière très, très, très mature par rapport à cet événement, de montrer comment, dans quel état d'esprit elle était, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation, pourquoi elle ne s'est pas octroyée le fait de dire non quand elle ne le sentait plus, etc. Mais ce témoignage termine par l'idée du consentement qu'elle a en fait tellement ressenti comme étant indispensable dans sa vie sexuelle, qu'elle a pu rencontrer un partenaire qui partage absolument ce point de vue, et en fait, de discuter de l'appréhension que ça peut être de parler avant de faire l'amour. Mmh. Donc, est-ce que le fait de s'interroger sur est-ce que tu as vraiment envie pourrait être un tu l'amour, un tu désir? Et là, non, au contraire, c'était quelque chose qui était même, pouvait être intégré dans un jeu ludique, mmh. avec l'idée, on en discutait après avec Jonas, que ça peut même être une occasion de manifester encore mmh. plus l'envie, en fait. Ouais. Pas clair. Juste vérifier que ce soit pas un non, mm-hmm. mais exprimer un vrai oui. Mm-hmm. Donc voilà, un témoignage qui part aussi de l'horreur, mais qui a ouvert après toute une série de réflexions et de discussions parmi l'assistance, qui était vraiment très riche d'enseignement. Bah, dans ce que tu dis, là, si on pense à ce dont on a parlé avant, moi je trouve hyper intéressant cette volonté de représenter un cheminement. Mmh. Réflexible, tu vois, ça c'est hyper. À la fois, c'est très dur de s'imaginer comment est-ce qu'on représente ça. Mais à la fois, bon, moi j'ai pas pu assister samedi, mais le vendredi 22, moi j'ai trouvé que ça c'était aussi présent dans cette performance dérive. De dérive. Ouais. Et le fait que ces quatre comédiens et comédiennes ne se sont pas posés comme experte sur le genre, mais plutôt comme en train de faire des explorations mm-hmm, mm-hmm. Sur la thématique du genre. Il y a aussi une différence entre être assise dans l'obscurité et regarder un spectacle et ne pas pouvoir s'exprimer ou ne pas pouvoir poser de questions en cours. Bon, c'est aussi l'enjeu mm-hmm. du théâtre, un certain théâtre. Et là, je trouvais très agréable de pouvoir en fait participer à ce sorte de processus de construction du savoir. Et ouais, en fait, de pouvoir aussi s'inviter dans ce working progress mm-hmm. du savoir. Oui, ça m'a fait, ouais, c'est super intéressant. Et puis, parce qu'il y a vraiment cette dimension d'élaboration collective, et puis c'est un collectif qui tourne à la fois entre elle et eux au moment de la recherche, mm. et puis à la fois avec le public. Et puis, ce qui était drôle aussi, c'est que finalement... Voilà, par exemple, de poser le terme « la domination masculine », c'est quelque part plus extrême que ce que on peut faire dans d'autres lieux. On va pas en parler comme ça. On va dire que c'est les rapports sociaux mm-hmm. de genre. Et puis elles ont mobilisé aussi, par exemple, le Scum Manifesto de mm-hmm. Valérie Solanas, qui est vraiment un texte très radical mm-hmm. Sur le, je sais plus, d'assigner les hommes à. Society for Cutting Up Men, c'est ça, SCUM. Ah, d'accord, ouais, je ne savais pas l'acronyme. Ou Valérie Solanas, elle considère les hommes comme devant être des personnels auxiliaires. Enfin bon, voilà. On le mettrait en lien aussi, mmh. c'est aussi daté historiquement dans un contexte précis. Ouais, mais il y avait voilà, une capacité d'oser se confronter à des choses plus radicales sans s'excuser, sans rassurer, qui était très stimulante. Ouais. Mais c'est ça, je trouve vraiment là, on touche un peu au noyau, parce que c'est vraiment y aller en ne pas ayant peur de, entre guillemets, faire faux. Il faut que je trouve un autre terme, parce que c'est pas faire faux, mais entre guillemets, de faire une bourde, mais justement de par comment c'est structuré avec le public, avec cette possibilité d'intervenir, ou aussi de... Je pense aussi, vu que c'est l'étendue dans le temps, où ça durait mm-hmm. voilà, 4 heures, c'est très long, de pouvoir après aussi revenir sur les choses, parce que bah, y a une construction du savoir, donc on peut dire une chose à un moment, et puis ça se construit, et ça se transforme. Mm-hmm. On va là où ça heurte, mais mm-hmm. on laisse l'espace pour voilà. s'exprimer par la suite. Oui, et puis là, c'est nommé en tant que tel parce que c'est scène de la recherche, mais peut-être c'est ça aussi une clé de reconnaître que c'est encore toutes sortes de questions pour lesquelles il faut se donner le temps de rechercher. C'est à la fois le théâtre qui offre ces deux temps pour eux et elles qui ont été puissants d'exploration, et c'est admettre que ce n'est pas résolu, qu'il n'y a pas de réponse trouvée, toute faite, mais que c'est un processus. Et puis alors, quelle joie aussi de voir ce monde du théâtre, où a priori, qui n'aurait peut-être rien à voir avec ces questions-là, se donne les moyens d'y réfléchir. Vraiment une très très belle expérience partagée. Ouais, tous les vendredis, s'il vous plaît. Ouais. Peut-être un mot de conclusion entre ces Porny Days qui n'ont pas nommé la volonté de discuter autour du genre, mais qui l'ont clairement fait tout au long du festival. Ce spectacle qu'on a vu au Forum Meyrin qui nommait, mais qui malheureusement a beaucoup déçu. Et puis ce dernier, deux moments de performance assez incroyables et riches. Tout à fait. Et on va continuer à aller au théâtre, oui. À aller au cinéma. Et puis... Et faire des podcasts. Et de se réjouir que tous ces moments-là se multiplient pour qu'effectivement ce soit moins douloureux quand tout d'un coup il y a un spectacle qui correspond moins à nos attentes. Ouais, bon, je vais travailler mon ressenti de la déception. Et vive la grinchitude. Yes. Sur ce, bonne quinzaine. Tchuss. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com, avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod, avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao !